Selon les informations de Séoul, divers milieux sud-coréens ont livré le 29 octobre dans toutes les régions la lutte pour punir la bande de Bakune. Dans la lutte livrée partout en Corée du Sud, y compris Séoul et l'île de Jeju, sous le patronage de la Direction de lutte pour la mobilisation générale de la population 2016 et des formations civiles de chaque région, ont participé les élèves et les étudiants des écoles secondaires et supérieures et des universités, les professeurs, les ouvriers, les paysans, les députés des partis de l'opposition, les femmes ménagères, les vieillards et les petits-enfants avec leurs parents. À Séoul a eu lieu le rassemblement pour la mobilisation générale de la population, ce thème « Réunissons-nous, mettons-nous en colère, que Bakune descende » en présence de plus de 50 000 personnes de tous sexes et de tout âge. Au rassemblement à la bougie tenue, alors que plus de 8 000 policiers de 72 compagnies ont été déployés partout dans la ville, les citadins de divers milieux et les élèves ont prononcé des discours. Au terme du rassemblement, les participants ont livré la manifestation vers la Maison Bleue. Ils ont tenu de nouveau un rassemblement devant la Maison de la Culture Saison.